Fatimatae, je suis touché, mais je te pardonne. Fatimatae, oh ma belle, oh ma belle. D'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudou, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fadi. Ta façon d'aimer, chérie, est jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, t'es trop jaloux. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudou, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Ta façon d'aimer, chérie, jaloux, jaloux, jaloux, jaloux, t'es trop jalouse. Tu vois même devant les gens, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Parfois même devant nos invités, tu perds la tête, c'est pas gentil, oh ma belle. Comme elle, Fatimata. Elle habite Yopougon, Fatimata. Elle travaille au plateau, Fatimata. Elle ne roule qu'en taximètre, Fatimata. Elle m'a fait tourner la tête, Fatimata. À cause de sa beauté, Fatimata. Elle a un corps pété pété, Fatimata. Elle a un corps sembé sembé. De caméléon, Fatimata. Elle ne boit que le bandji, Fatimata. Le bandji de Yamoussoukro, Fatimata. Quand elle arrive à Dakar, Fatimata. Elle n'habite qu'aux Almadi, Fatimata. Tout cela pour m'impressionner, Fatimata. Je suis tombé malade, Fatimata. Voilà moi traumatisé, Fatimata. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Fatimata. Fatimata, ma chère, ton affaire là c'est dur, hein. Abidjan là, tu n'as pas dit que tu mouais. Voilà la fin, tu n'as qu'à mouer maintenant. À l'ouest, c'est ça l'Afrique. Regarde. Viens mon fort chéri, on danse. Fatimata.